Chapitre 15e. Nous nous levâmes tard le lendemain matin. Harris insista pour que le petit déjeuner fût des plus simples, sans extra. Puis nous fîmes le ménage dans le bateau et mîmes tout en ordre. Cet exercice quotidien avait fini par répondre à une question que je me posais souvent. À quoi peut bien passer son temps une femme qui n'a rien d'autre à faire que s'occuper d'une seule maison? Et vers 10 heures, nous nous mîmes en route, bien décidés à faire un bon bout de chemin. Nous convînmes de ramer ce matin-là pour nous changer du halage. Harris estimait préférable que George et moi prissions les avirons, tandis que lui-même barrerait, mais je ne voulus rien entendre. Je lui fis remarquer qu'il eût montré plus de bon sens s'il s'était offert de travailler avec George et de m'accorder un peu de repos. J'avais fait jusque-là plus que ma part et je commençais à la trouver saumâtre. J'ai toujours l'impression de fournir plus de travail que je ne devrais. Non pas que le travail me répugne, remarquez, j'aime le travail, il m'exalte. Je resterai des heures à le contempler. J'apprécie énormément sa compagnie et l'idée d'en être séparé me brise le cœur. On ne saurait m'en donner trop. Accumuler le travail est même devenu chez moi une sorte de passion. Mon bureau en est rempli à un tel point qu'il n'y a plus de place pour en mettre davantage. Il me faudra bientôt construire une annexe. En outre, je prends soin de mon travail. Une partie de celui que j'ai en ce moment chez moi est en ma possession depuis des années et des années, et il n'est souillé d'aucune trace de doigt. Je suis très fier de mon travail. Je le descends de temps à autre pour l'astiquer. Je ne connais personne qui garde son travail en meilleur état de conservation que moi. Mais cette passion dévorante ne m'empêche pas de me montrer raisonnable. Je n'en demande pas plus que ma part légitime. Aussi, quand j'en hérite sans l'avoir désiré, cela m'ennuie. George prétend que je n'ai pas à m'inquiéter à ce sujet. D'après lui, c'est ma nature trop scrupuleuse qui seule me fait redouter d'en avoir plus que mon dû et qu'en réalité, je n'en ai pas la moitié de ce que je devrais. Mais je crois qu'il ne dit cela que pour me consoler. J'ai toujours remarqué qu'à bord, chaque membre de l'équipage est intimement persuadé qu'il est le seul à tout faire. Tel était le sentiment de Harris. Pour lui, George et moi avions tout simplement abusé de sa bonne volonté. George, de son côté, ricanait à l'idée que Harris n'eût rien fait d'autre que manger et dormir, et il était évidemment convaincu que c'était lui-même, et lui seul, qui s'était coltiné toutes les tâches importantes. Il n'avait, à l'entendre, jamais eu d'équipier aussi paresseux que Harris et moi. Cela amusa fort Harris. « Ah, c'est impayable d'entendre George parler de travail, » s'esclaffa-t-il. Lui qui rendrait l'âme au bout de 30 minutes d'effort. « Non, mais tu l'as déjà vu trimer, » ajouta-t-il, s'adressant à moi. Je convins que je n'en avais jamais eu l'occasion, en tout cas pas depuis notre départ. « Et toi, comment pourrais-tu le savoir ?» rétorqua George Harris. « Tu as passé la moitié de ton temps à roupiller. Jérôme, as-tu jamais vu Harris complètement réveillé en dehors des repas ?» Par souci de vérité, je dus approuver. Harris ne s'était jusqu'alors guère rendu utile dans le bateau. « Enfin, j'en ai quand même fait plus que ce vieux Jérôme, » reprit Harris. « C'est vrai, tu aurais eu du mal à en faire moins, » ajouta George. C'était là toute leur reconnaissance envers moi, moi qui les avais conduits, eux et leur maudite passoire jusqu'à Kingston, qui avait tout organisé et préparé pour eux, qui avait pris soin de leur personne, qui m'était éreinté comme un esclave. Ainsi va la vie. Nous résolûmes la présente difficulté en convenant que Harris et George ramenaient jusqu'à Reading et qu'à partir de là, je halerais le canot. Remonter à l'aviron contre le courant, une embarcation chargée, ne me tente plus désormais. Jadis, j'étais toujours volontaire pour le travail pénible. À présent, c'est avec plaisir que je laisse la place aux jeunes. Je constate que je ne suis pas le seul. La plupart des vieux canotiers de la Tamise prennent comme moi leur retraite, dès qu'il est question de souquer dur. On reconnaît toujours le vieil habitué à la façon dont il s'étend sur les coussins au fond du bateau et encourage les rameurs en leur racontant des anecdotes sur les exploits qu'il a accomplis la saison précédente. « Vous trouvez ça difficile ? » râle-t-il entre deux bouffées de sa pipe aux deux novices trempés de sueur qui viennent de s'échiner à remonter le courant depuis 1 heure et demie. « Eh bien, sachez que Jim Biffles, Jack et moi, l'an passé, nous avons remonté à l'aviron de Marlowe à Goring en un après-midi, sans nous arrêter une seule fois. Tu te rappelles, Jack ?» Jack, qui s'est fait à l'avant un lit de toutes les couvertures et les manteaux qu'il a pu trouver, et qui dort là depuis 2 heures, s'éveille à moitié à l'appel de son nom et se remémore toute l'histoire. Il se souvient aussi qu'ils avaient eu contre eux un fort courant, ainsi qu'une brise violente. Cela faisait bien 65 kilomètres, pas vrai, Jack? Ajoute son interlocuteur en glissant un nouveau coussin sous sa tête. Non, n'exagère pas, Tom, marmonne Jack d'un ton de reproche. 64, tout au plus. Puis, Jack et Tom, épuisés par cet effort de conversation, replongent dans leur douce somnolence. Et les deux naïfs jeunes gens, courbés sur leurs avirons, éprouvent une singulière fierté à ramer en compagnie de deux canotiers aussi remarquables que Tom et Jack, et ils se mettent à souquer plus dur que jamais. Quand j'étais jeune, j'écoutais parler mes aînés, avalais leurs histoires, les digérais jusqu'à la dernière syllabe, et j'allais jusqu'à en redemander. Mais la nouvelle génération ne semble guère avoir la foi ingénue de l'ancien temps. L'année passée, George, Harris et moi prîmes un jour à notre bord un bleu. Et tout le long du chemin, nous lui servîmes les galéjades habituelles à propos des exploits que nous avions accomplis. Toute la série classique y passa. Ces vénérables balivernes qui ont fait carrière auprès de tant de générations de canotiers. Et nous y ajoutâmes cette histoire de notre crue, inventée de toutes pièces, dont une fondée en partie sur un épisode survenu effectivement jadis, à quelques variantes près, à l'un de nos amis. Une histoire qu'un enfant aurait pu gober sans peine. Or, ce jeune homme ne prit aucun de nos récits au sérieux, nous demanda de les lui répéter, pariant 10 contre 1 que c'était des bobards et que nous en serions tout à fait incapables. Ce matin-là, nous évoquâmes nos premières tentatives dans l'art de l'aviron. Mon tout premier souvenir de canotage est celui de 5 garçons se cotisant de 3 pence chacun pour emmener sur le lac de Regent's Park un radeau de construction bizarre et se séchant au retour dans la loge du gardien du parc. Après quoi, je pris goût à la navigation et fis pas mal de radeaux dans les dernières carrières inondées de la banlieue, exercice qui n'offre d'intérêt que lorsque vous êtes au milieu de l'étang et que le propriétaire des matériaux dont est construit le radeau surgit soudain sur la rive, un gros bâton à la main. À la vue de ce monsieur, votre première impression est que, d'une façon ou d'une autre, vous n'êtes pas de taille à avoir un entretien avec lui, et que, si vous le pouvez sans paraître grossier, vous feriez mieux d'éviter sa rencontre. Votre but est donc d'atteindre la rive opposée à la sienne et de rentrer chez vous sans tambour ni trompette et en 4e vitesse. Lui, au contraire, est désireux de vous serrer la main et de causer avec vous. On dirait qu'il connaît votre père et qu'il vous a vu grandir. Mais cela ne vous met pas plus en confiance pour autant. Il dit qu'il va vous apprendre à lui voler ses planches pour en faire un radeau. Mais comme vous savez déjà très bien le faire, l'offre, aussi bienveillante soit-elle, comment en douter, vous paraît excessive, et vous ne voulez pas le déranger en acceptant. Son obstination à vouloir vous rejoindre, cependant, résiste à votre froideur et la façon énergique dont il arpente la rive de l'étang. Afin d'être là pour vous accueillir à votre débarquement, est vraiment des plus flatteuses. S'il est un tant soit peu corpulent et court d'haleine, vous pouvez facilement éviter ses avances, mais s'il est jeune et bon coureur, une rencontre est inévitable. L'entrevue est néanmoins très brève, car il fait seul la conversation, vos propres remarques se bornant à quelques monosyllabes. Aussi ne manquez-vous pas de vous esquiver dès que possible. Je consacrais près de 3 mois à faire du radeau, puis ayant exploré toutes les possibilités dans ce domaine, résolus de me mettre au vrai canotage et m'affiliais à l'un des clubs nautiques de la Lee. Naviguer sur cette rivière, en particulier le samedi après-midi, vous rend vite habile à manœuvrer un canot et surtout à éviter les collisions avec les maladroits et les péniches. Cela vous offre aussi maintes possibilités d'acquérir la plus prompte et la plus gracieuse méthode de vous aplatir dans le fond du bateau pour éviter d'être projeté à l'eau par les cordes de halage. Mais cela ne vous donne pas le style. Ce dernier, c'est sur la Tamise que je l'acquis. Le style de mon coup d'aviron est maintenant très admiré. On le dit fort élégant. George avait déjà 16 ans lorsqu'il monta dans un canot. C'est avec 8 autres jeunes gens à peu près du même âge qu'il descendit à Kew un samedi dans l'intention d'y louer un bateau, d'aller jusqu'à Richmond et d'en revenir. L'un d'eux, un petit prétention du nom de Joskins, qui avait une fois ou deux pris une barque sur la Serpentine, à Hyde Park, le rassura que le canotage était tout ce qu'il y a de plus amusant. « Quand ils arrivèrent à l'embarcadère, la marée descendait rapidement, et une forte brise soufflait sur le fleuve. Mais cela ne les inquiéta pas du tout, et ils allèrent choisir leur bateau. Il y avait sur la berge une périssoire de course à 8 avirons, qui souleva leur enthousiasme. « Nous voudrions celle-ci, s'il vous plaît, » demandèrent-ils. Le batelier était absent, et son employé était seul chargé d'élocation. Le garçon tenta de refroidir leur ardeur pour la périssoire, et leur recommanda 2 ou 3 canots d'aspect confortable, à usage des familles, mais ils n'en voulurent pas. Ils auraient tellement plus d'allure dans la périssoire. Le garçon la mit donc à l'eau. Ils tombèrent leur veste et s'apprêtèrent à prendre leur place. L'employé conseilla à George, qui à l'époque déjà était le poids lourd du groupe, de se placer en 4e position. George répondit que cela lui convenait parfaitement, et il s'empressa de s'installer sur le siège de proue, le dos en poupe. On finit par le placer comme il fallait, puis ses compagnons embarquèrent. Un garçon particulièrement nerveux fut désigné comme barreur et Joskins lui expliqua comment procéder. Joskins lui-même prit un aviron et dit aux autres que c'était tout simple, ils n'avaient qu'à faire comme lui. Ils annoncèrent enfin à l'employé de l'embarcadère qu'ils étaient prêts, et celui-ci les poussa au large à l'aide d'une gaffe. Ce qui s'ensuivit, George est incapable de le décrire en détail. Il garde un souvenir confus d'avoir, dès le départ, pris avec violence dans le bas du dos la poignée de l'aviron numéro 5, en même temps que son siège coulissant disparaissait sous lui comme par enchantement, et qu'il se retrouvait le séant sur les planches. Il remarqua également, fait curieux, que le numéro 2 s'étalait au même instant sur le dos au fond du bateau, les jambes en l'air, apparemment victime d'une attaque. Ils passèrent sous le pont de Kew, de travers, à l'allure de 15 km à l'heure. Joskins était seul à ramer. George, qui s'était remis d'aplomb sur son siège, essaya bien de l'aider, mais à peine eut-il plongé son aviron dans l'eau, que ce dernier, à sa grande stupéfaction, disparut sous la coque et faillit l'entraîner avec lui. Quant au barreur, il jeta par-dessus bord les tire-veilles du gouvernail, éclatant en sanglots. Comment ils s'y prirent pour revenir, George ne le sut jamais, mais la manœuvre leur demanda 40 minutes. Une foule d'ans suivait les opérations depuis le pont de Kew avec un grand intérêt, et chacun leur criait des conseils différents. À 3 reprises, ils réussirent à passer sous le pont. À 3 reprises, ils se retrouvèrent à leur point de départ, entraînés par le courant. Chaque fois que le barreur voyait le pont au-dessus de lui, il redoublait de larmes. George avoua que cet après-midi-là, il douta que la passion du canotage lui vint jamais. Harris est plus accoutumé à ramer en mer qu'en rivière et affirme que c'est l'exercice qu'il préfère. Moi pas. Je me rappelle avoir pris l'été dernier un petit canot à Eastbourne. J'avais déjà fait pas mal de canotage en mer quelques années plus tôt et je ne doutais pas de m'en tirer sans problème, mais je m'aperçus que j'avais complètement oublié cet art. Pendant qu'un aviron plongeait profondément sous l'eau, l'autre moulinait désespérément dans l'air. Pour prendre appui sur l'eau des 2 à la fois, je dus me tenir debout. Il y avait une foule de gens chics sur la digue, et je fus contraint de passer devant eux dans cette position ridicule. Je finis par échouer sur la plage et demandai l'aide d'un vieux batelier pour regagner le port. J'aime avoir ramé un vieux batelier, surtout si on l'a loué à l'heure. Il y a tant de calme et de dignité dans sa façon. Il n'est pas pris de cette hâte frénétique, de cet acharnement excessif qui corrompt un peu plus chaque jour la vie quotidienne du 19e siècle. Il ne cherche jamais à aller plus vite que les autres bateaux. Il ne se soucie guère qu'un canot le rattrape et le dépasse. De fait, tous le rattrapent et le dépassent, tous ceux qui vont dans sa direction. Il y a des gens que cela agacerait. Pourtant, sa sublime magnanimité nous offre une belle leçon. Elle nous met en garde contre l'ambition et la vanité. Le vulgaire coup d'aviron, simplement destiné à faire avancer le canot, n'est pas difficile à acquérir. Mais une longue pratique vous sera nécessaire avant que vous ne vous sentiez à l'aise devant la gent féminine. La bête noire du débutant, c'est la coordination. C'est bizarre tout de même, s'exclame le novice qui, pour la 20e fois en 5 minutes, démêle ses avirons des vôtres. Je m'en tire pourtant bien quand je suis seul. C'est un spectacle amusant que de voir 2 débutants s'exercer à ramer avec ensemble. L'avant se plaint de ne pouvoir s'accorder avec l'arrière, parce que celui-ci rame de façon inconsidérée. L'arrière se récrie bien haut que depuis 10 minutes, il s'efforce de s'adapter à la médiocrité de l'avant. L'avant, à son tour, se met en boule et prie l'arrière de s'appliquer à ramer comme il faut au lieu de s'occuper de lui. « À moins que tu préfères que je prenne ta place, » ajoute-t-il, évidemment persuadé qu'il mettra aussitôt toute chose en ordre. Il clapote encore sur 100 mètres, sans plus de succès, mais soudain l'arrière a une révélation. « Évidemment, tu as pris mes avirons, passe-les-moi et reprends les tiens. » Telle était l'unique cause de tous leurs ennuis. L'avant approuve, rasséréné. « Mais oui, je me disais bien aussi que je ne savais pas me servir de ceci. Maintenant, ça va marcher. » Sur ce, il procède aussitôt à l'échange. Hélas, ça ne marche pas davantage. L'arrière est à présent obligé de se démancher les bras pour atteindre ses avirons, tandis que ceux de l'avant, à chaque retour, lui flanquent un grand coup dans la poitrine. Aussi procède-t-il à un nouvel échange, pour conclure finalement que le batelier leur a donné un jeu d'avirons inadéquat. Sur ce, il se réconcilie sur le dos du pauvre homme. George nous raconta que, pour changer, il avait essayé de faire de la plate. Manœuvrer une plate n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Comme avec l'aviron, vous apprenez vite à faire avancer l'embarcation, mais il faut une longue pratique avant de manier la perche avec style et sans vous envoyer de l'eau plein les manches. Un jeune homme de mes amis connut une bien triste aventure la première fois qu'il manœuvra une plate à la perche. Il s'en tira si aisément dès le début qu'il en oublia toute prudence. Il arpentait la plate avec une grâce désinvolte qui faisait plaisir à voir. Il remontait jusqu'à l'avant de l'embarcation, piquait sa perche dans le fond, puis gagnait l'arrière d'un pas leste, tout comme un vieux batelier, du grand art, vraiment. Et serait continué ainsi s'il n'avait, par malheur, tandis qu'il regardait autour de lui pour jouir du paysage, fait un pas de trop et mis le pied carrément dans le vide. La perche était fermement plantée dans la vase et il y resta agrippé alors que le bateau s'en allait au fil de l'eau. Sa position était des plus critiques. Un petit garnement sur la rive appela aussitôt un copain. « Viens vite voir, il y a un singe sur un bâton, » cria-t-il. Impossible de lui prêter main forte, car par malchance, nous n'avions pas pris la précaution d'emporter une perche de rechange. Je ne pouvais que le contempler sans rien faire. Je n'oublierai jamais son visage tandis que la perche s'enfonçait lentement sous son poids. Il avait l'air tellement pensif. Je le vis pénétrer tout doucement dans l'eau et se mettre à barboter pour regagner la rive, piteux et ruisselant. Je ne pus m'empêcher de rire tant il avait l'air ridicule, et je continuai de glousser jusqu'au moment où je compris soudain que je n'avais guère de raison de me réjouir. J'étais là, tout seul, sur une plate sans perche, dérivant au milieu du courant qui m'entraînait peut-être vers une écluse. Je m'emportais alors contre mon ami pour m'avoir abandonné d'aussi insouciante manière. Il aurait pu au moins me laisser la perche. Je dérivais d'environ 400 mètres et parvins en vue d'une barge de pêche amarrée au milieu du fleuve et sur laquelle se trouvaient deux vieux pêcheurs. Ils me virent arriver sur eux et me crièrent de m'écarter. « Impossible !» répondis-je. « Si vous n'essayez pas, évidemment !» répliquèrent-ils. Parvenu près d'eux, je leur expliquai ma situation et ils m'arrêtèrent au passage pour me prêter une perche. L'écluse était à 50 mètres en aval. J'étais heureux qu'ils se fussent trouvés là. Ma première expérience personnelle de la plate eut lieu en compagnie de 3 camarades. Ils devaient me montrer comment procéder. Nous fûmes empêchés de partir tous ensemble et je décidai d'y aller le premier pour sortir le bateau et m'exercer un peu jusqu'à leur arrivée. Je ne pus trouver de plate cet après-midi-là. Elles étaient toutes louées. Aussi n'eus-je rien d'autre à faire que de m'asseoir sur la berge et regarder le fleuve en attendant mes amis. J'étais là depuis peu quand mon attention fut attirée par un canotier sur une plate précisément et qui, je le remarquai avec surprise, portait un veston et une casquette exactement pareille au mien. C'était à n'en pas douter un débutant et sa technique était des plus curieuses. On ne pouvait jamais savoir ce qui allait se passer quand il piquait sa perche dans le fond. Il ne le savait d'ailleurs pas lui-même. Tantôt il l'enfonçait vers l'amont, tantôt vers l'aval, ou bien il tournait autour de la perche et semblait à chaque fois aussi surpris que contrarié par ce qui s'ensuivait. Les promeneurs sur la berge ne tardèrent pas à se passionner pour le spectacle et à engager des paris sur l'issue du prochain coup de perche. Entre-temps, mes amis arrivèrent sur l'autre rive et s'arrêtèrent aussi pour l'observer. Ils leur tournaient le dos, et eux ne voyaient que son veston et sa casquette. Ils en conclurent aussitôt que c'était moi, leur cher camarade, qui me donnait en spectacle, et leur joie ne connut plus de bornes. Ils se mirent à rire de lui sans merci. Leur méprise ne m'apparut pas tout d'abord, et je pensais « Quelle grossièreté de se conduire ainsi, et avec un étranger en plus !» Je m'apprêtais à leur dire ce que je pensais de leur comportement, quand la vérité m'apparut, je me dissimulais derrière un arbre. Oh, comme ils se plaisaient à ridiculiser ce jeune homme! Pendant 5 bonnes minutes, ils restèrent là, à le railler de toutes les façons. Ils l'abreuvèrent de blagues classiques et en créèrent même de nouvelles pour l'occasion. Toutes les plaisanteries familières à notre bande y passèrent, certainement inintelligibles pour le pauvre garçon. Alors celui-ci, incapable de supporter plus longtemps leurs moqueries, tourna la tête vers eux. J'eus le plaisir de remarquer qu'il leur restait suffisamment de décence pour avoir l'air très sot. Ils s'empressèrent de lui expliquer qu'ils l'avaient pris pour quelqu'un de leur connaissance, ajoutant qu'ils espéraient bien qu'ils ne les supposaient pas capables d'insulter pareillement un étranger. Bien entendu, le fait qu'ils avaient cru avoir affaire à un ami excusait tout. Cela me rappelle l'aventure que me raconta Harris. Il se trouvait au bord de la mer, à Boulogne, et il nageait près de la plage, lorsqu'il se sentit brusquement saisi au cou par derrière et plongé de force sous l'eau. Il se défendit frénétiquement, mais celui qu'il avait empoigné devait avoir une force herculéenne, car toutes ses tentatives pour lui échapper restèrent vaines. Harris avait cessé de se débattre et s'efforçait de tourner ses pensées vers le ciel quand l'étreinte se relâcha. Il reprit pied et chercha des yeux son bourreau. Celui-ci était à côté de lui, riant de tout son cœur. Mais lorsqu'il vit émerger le visage de Harris, il recula vivement et eut l'air sincèrement navré. « Je vous demande pardon, bredouilla-t-il, mais je vous avais pris pour un de mes amis. » Harris s'estima heureux que ce mauvais plaisant ne l'eût pas pris pour un parent, sinon il n'aurait sûrement pas échappé à la noyade. Quand j'étais jeune, je ne soupçonnais pas que la navigation à voile exigeât du savoir et de l'expérience. Je me figurais que cela vous venait naturellement, comme la boisson ou l'argent. Je connaissais un autre garçon qui partageait mon avis, et un jour devant, l'idée nous vint de nous essayer à ce sport. Nous nous trouvions alors à Yarmouth, et nous décidâmes d'aller faire un tour sur l'estuaire de la Yar. Nous louâmes un canot à voile au hangar à bateau situé près du pont et embarquâmes. « Ça souffle dur aujourd'hui, » nous lança le patron. « Vous feriez bien de prendre un riz et de l'offer court quand vous passerez la pointe. » Nous lui répondîmes que nous n'y manquerions pas et le quittâmes sur un joyeux au revoir tout en nous demandant ce qu'il entendait par l'offer court et prendre un riz. Nous ramâmes jusqu'à être hors de vue de la ville et là, devant cette vaste étendue d'eau, avec ce vent qui soufflait en tempête, nous estimâmes que l'heure était venue de hisser la voile. Hector, c'était je crois son nom, continua de ramer pendant que je la déroulais. La tâche me parut compliquée, mais j'en vins finalement à bout. C'est alors que se posa la question, comment distinguer le haut du bas? Par une sorte d'instinct naturel, nous décidâmes, bien entendu, que le bas était le haut, et nous nous efforçâmes de mettre la voile sens dessus-dessous. Mais quoi qu'il en fût, cela nous prit beaucoup de temps pour l'installer. La voile semblait croire que nous jouions aux funérailles et que j'étais la dépouille et elle le linceul. Quand elle eut compris qu'il s'agissait d'autre chose, elle me gratifia d'un coup de vergue sur le crâne et ne voulut plus rien savoir. « Mouille-la, » me conseilla Hector, « trempe-la dans l'eau. » Il m'expliqua que les matelots sur les navires mouillaient toujours les voiles avant de les hisser. Je la mouillai donc, mais cela ne fit qu'empirer les choses. Une voile sèche qui vous claque dans les jambes et s'entortille autour de votre tête n'a rien d'agréable. Mais quand elle ruisselle d'eau, cela devient carrément insupportable. Nous y étant mis à deux, nous réussîmes cependant à la hisser. Nous la hissâmes, pas précisément sens dessus-dessous, mais plutôt de travers, et nous l'attachâmes au mât avec la mare du canot que nous coupâmes à cet effet. Nous ne chavirâmes pas. Je me borne à constater le fait, ne pouvant en fournir une quelconque raison. J'ai souvent réfléchi à ce phénomène depuis, sans jamais parvenir à une conclusion satisfaisante. Peut-être cela fut-il dû à ce fameux esprit de contradiction inhérent à toute chose en ce monde. Voyant notre conduite, le canot en aurait conclu que nous voulions nous suicider, en conséquence de quoi il aurait tout fait pour nous décevoir. C'est la seule explication plausible que j'aie jamais trouvée. En nous agrippant désespérément à la lisse, nous parvenions tout juste à nous maintenir dans le bateau, mais c'était là un travail épuisant. Hector me rapporta que les pirates et autres gens de mer attachaient le gouvernail et amenaient la grande vergue lorsque la tempête soufflait. Il estimait que nous devrions faire de même. Moi, j'étais d'avis de laisser le bateau vent en poupe. Comme mon idée était de loin la plus facile à mettre en pratique, nous l'adoptâmes et, cramponnés au bordage, nous laissâmes filer le canot. Ce qu'il fit pendant plus d'un kilomètre, à une allure où je n'ai jamais plus vogué depuis et que je ne tiens pas à expérimenter à nouveau. Puis, dans un virage, il accusa une gîte si forte que la moitié de la voile trempa dans l'eau. Il se redressa par miracle et fila vers un long banc de base molle. Ce fut la base qui nous sauva. Le canot laboura le banc jusqu'au milieu et s'immobilisa. Enfin libre de manœuvrer à notre gré, sans être secoué comme des dés dans un cornet, nous rampâmes jusqu'à l'avant et amenâmes la voile. Nous étions là de naviguer à la voile. Nous ne voulions pas en abuser, ni qu'une indigestion s'en suivît. Nous avions eu notre partie de voile, une bonne, passionnante, instructive partie de voile, et nous aspirions maintenant à ramer un peu, histoire de changer. Nous prîmes les avirons, et nous nous efforçâmes de nous dégager de la base, mais ce faisant, une des rames cassa. Nous procédâmes alors avec une infinie prudence, mais cette paire-là ne valait pas un clou, et la seconde se brisa presque aussi facilement que la première. Nous étions en rade. La base s'étendait devant nous sur une centaine de mètres. Derrière nous, il y avait l'eau. La seule chose à faire était de nous asseoir et d'attendre la venue de quelqu'un. Le temps n'était pas de nature à attirer beaucoup de gens sur la rivière et nous passâmes 3 heures sans voir une âme. Ce fut un vieux pêcheur qui, au prix d'immenses difficultés, vint enfin à notre secours. Nous regagnâmes le hangar à bateau en remorque, honteux. Récompenser notre sauveteur, rembourser le bris des avirons, payer les 4 heures et demie que dura notre périple, nous coûta un nombre considérable de semaines d'argent de poche. Mais nous avions acquis de l'expérience, et ne dit-on pas qu'elle ne se paye jamais trop cher.